Chapitre 9. Delhi, Rome indienne et capitale de l'Empire moghol. Le fort, la salle du trône des papes, les jardins de la reine, la Juma Musjid, le poêle et la sandale de Mahomet, le mausolée de Safdar Jung, à travers les ruines des neuf Delhi, le Qutub Minar, le pilier de fer, le tombeau d'Humayun. Départ pour le Punjab. 3 avril. Si jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu à nous plaindre de nos installations passagères, nous éprouvons à ce sujet une déception à Delhi, où nous arrivons à 9h du matin. Note. La Delhi actuelle porte le nom de Shah Jebana Bad, en l'honneur de Shah Jehan, son fondateur. 155 000 habitants. Fin de note. Après une décevante inspection des soi-disant hôtels et bungalows, nous optons, faute de mieux, pour le Traveler's Bungalow, maintenu par un babou. Pendant qu'on époussette superficiellement nos chambres abandonnées aux lézards et aux araignées, nous allons visiter le fort. Je n'entreprendrai pas la description de cette superbe forteresse, sœur jumelle de celle d'Agra. Je parlerai seulement des constructions intérieures épargnées par le corps royal des ingénieurs anglais. Génie militaire. On se cogne en effet à chaque pas au travers des merveilles architecturales du somptueux réduit de la Rome indienne à des casernes, des magasins, des cantines et autres établissements d'une nécessité toute militaire, mais qui, en pareil lieu, font l'effet de Porchi Ante Margaritas. Note. Delhi, capitale de l'Inde du Nord-Ouest, jusqu'à l'an 1001, devient sous les Ghaznévides capitale de l'Inde du Nord jusqu'en 1186. En 1203, elle est capitale de l'Inde sous la dynastie afghane, Mohammed de Gore. Elle redevient capitale de l'Inde du Nord sous les rois esclaves, 1266-1290, puis elle est de nouveau capitale des Indes sous les dynasties afghanes. Khilji, 1290-1320, Tughlaq, mercenaire, 1320-1397, Seyid, 1414-1450 et Lodi, 1450-1526. Elle conserve le même titre sous les empereurs mongols depuis Babur 1520 jusqu'à Aurangzeb 1707. Akbar et Shahjahan sont les seuls mongols qui abandonnent momentanément Delhi pour Agra. À partir d'Aurangzeb, l'empire mongol se décompose et les Anglais l'absorbent définitivement en 1818. Le dernier grand mongol meurt prisonnier en 1762 et en 1877, la reine Victoria est proclamée à Delhi, dans la salle du trône des Pans, impératrice des Indes. Delhi était connue 15 siècles avant notre ère sous le nom de Indraprastha. Fin de note. En débouchant par la porte de Lahore, le premier monument que nous visitons est la galerie des musiciens. Cette construction rectangulaire à 2 étages, tout en grès rouge, est d'un bel effet, quoique d'un style peu défini. L'orchestre de Shahjahan occupait, nous dit-on, la terrasse supérieure, d'où il charmait de ses sons, relativement harmonieux, les oreilles de la cour mongole. La grande salle d'audience, également en grès, est ornée d'incrustations remarquables. Un trône de marbre blanc, couvert de mosaïques d'une finesse inouïe, se dresse au centre de cette merveilleuse colonnade que des ouvriers réparent présentement. Il faut voir avec quelle précaution ils taillent, coupent, scient et polissent les gemmes et les agates fournies par le gouvernement. Quant à la salle du trône, rien ne peut donner une idée de sa magnificence. C'est ce qu'on peut rêver de plus riche et de plus extraordinairement beau. Tout est or, marbre blanc et pierre fine. L'ensemble surtout est d'une souplesse et d'une élégance d'architecture tel qu'il est sans conteste pour nous que l'auteur de cet admirable monument est un Florentin de la Renaissance et non un artiste hindou. Des caissons du plafond, autrefois revêtus de filigranes d'or et d'argent, il ne reste plus que des arabesques peintes sur fond d'or. Les diamants du centre des fleurs ont été volés par Nadir Shah. À mains endroits, une main coupable a brisé un fragment de guipure de marbre ou écorné une admirable volute. Mais ce royal mutilé est tellement superbe encore que le souvenir du Taj s'efface momentanément de notre esprit. Une table de marbre marque l'emplacement du fameux trône des Pans. Note. Le voyageur français Tavernier, qui devait s'y connaître, puisqu'il était lui-même joaillier, estimait au XVIIe siècle ce trône 150 millions de francs. Toutes ces richesses furent enlevées en 1739 par le roi de Perse Nadir Shah. Promenade dans l'Inde et à Ceylan par E. Coteau. Fin de note. Les salles de bain du Sérail sont encore plus riches que celles d'Agra. Sous le burin du ciseleur, le marbre s'est transformé en point d'Angleterre. En d'autres endroits même, le marbre n'ayant pas été trouvé assez riche, on l'a remplacé par du jade. Pour m'arracher à ses splendeurs, je traverse sans détourner la tête la terrasse des arènes. La mosquée perle digne de la salle du trône, puis les jardins royaux dignes de leur cadre, et je dis adieu au fort. Le jardin de la reine, où nous nous rendons dans l'après-midi, est un superbe parc zoologique. Sous ses allées ombreuses, erre en toute liberté un grand nombre d'animaux inoffensifs, tandis que les bêtes féroces rugissent désespérément dans leurs cages de fer tapissées de lianes et de fleurs. La seule curiosité réelle de ce jardin est un éléphant en granit, plus grand que nature, dont l'origine remonte à plusieurs siècles. Le dessin parfait de ses formes et les détails de la chaîne et de la tête attestent un degré de réalisme artistique que nous ne nous attendions pas à trouver dans l'Inde. Par acquis de conscience, nous chevauchons le muséum, puis nous allons visiter la Juma Musjid, la plus colossale mosquée de l'Inde. Note, il existe deux Juma Musjid, l'une à Agra, l'autre à Delhi. Fin de note. Elle se dresse majestueuse sur un mouvement de terrain dominant la ville. Un escalier monumental conduit par une porte coiffée de 26 clochetons et de 8 tourelles à la cour intérieure entourée d'une splendide galerie découpée à jour. Trois dômes en marbre blanc surmontés d'ornements en bronze doré couronnent cette mosquée à laquelle deux minarets de 40 mètres de hauteur, rayés de roses, servent de flamberge. Dans un petit sanctuaire situé à l'angle nord-est de la cour terrasse, un mola nous présente avec force racontard les reliques vénérées de Mahomet. Note, mola, prêtre musulman. Fin de note. C'est d'abord une boîte carrée en verre et en argent, contenant le célèbre poil du législateur. Pour que ce poil ait résisté plus que ses frères, il devait être évidemment d'une constitution particulièrement vigoureuse. En effet, cet auguste soie, dépouille aux pimes d'un sanglier, est grosse, longue, raide et rouge. Une bande de papier la maintient adhérente à l'intérieur du reliquaire, ni plus ni moins qu'un brin d'herbe dans un carton d'herboriste. Une autre boîte contient la sandale du prophète. Elle est en si mauvais état que nous la croirions presque authentique si nous n'étions pas au mois d'avril. Notre fidèle Boulou, moins sceptique que nous en matière de reliques, pleure d'émotion à la vue de ces restes saints et les couvre de baisers à bouche que veux-tu. Bien que toute conviction soit respectable, il ne faut jamais abuser de rien. Or, notre boy s'extasie tellement devant un feuillet du Coran que nous sommes obligés de le rappeler trois fois, crescendo, au sentiment de la réalité. Malgré la chaleur effroyable, nous allons de là courir la ville indigène. Dans cette tournée, le temple dédié à Parabrahma ou à Paraiswara, bijou de marbre, d'or et d'incrustation, est ce que nous visitons de plus remarquable. Les peintures sur marbre représentant des paysages célestes sont uniques en leur genre. Note: Parabrahma, Dieu unique. Paraiswara, Dieu inconcevable. Fin de note. Les peintures sur marbre représentant des paysages célestes sont uniques en leur genre. Les rues de Delhi sont plus propres que celles d'Agra et de Bénarès. Les femmes sont moins foncées de teint, mais leurs culottes extra bouffantes les rendent presque disgracieuses. Les singes affectionnent particulièrement les places publiques. Ils vivent d'ailleurs avec les indigènes sur un grand pied d'intimité qui n'exclut pas le respect de la part de ces derniers. Comme à Bénarès, nous croisons à chaque instant des bœufs sacrés, dodelinant des cornes et baritonnant de la queue, absorbant par-ci, rendant par-là et ne recueillant en échange de leurs ordures que des marques de vénération. Poignet vilain, il vous oindra. 4 avril. Nous remontons en voiture à 5h du matin pour aller visiter le mausolée de Safdarjung, d'où un relais doit nous conduire au Kutub Minar. Note: mausolée de Safdarjung, vizir d'Ahmed Shah et vice-roi Daoud. Fin de note. À droite, à gauche, partout, on ne voit que murailles, tombeaux et mosquées effondrées. Ici, des remparts écroulés, là, des portiques entr'ouverts. Plus loin, une cité entière dormant dans sa cendre fauve sur un linceul de rose trémière. Il n'est pas un mètre de terrain où l'on ait édifié quelque chose dont il ne reste qu'une ruine. On dirait d'un cimetière de géants abandonné. Note: Delhi jonche de ses monuments une plaine de 120 km². Rousselet. Fin de note. Nous haletons un moment pour visiter les restes insignifiants de l'observatoire fondé par Akbar, cet impérial précurseur de M. Le Verrier. Puis nous nous rendons au tombeau de Safdarjung. Tandis que les saïs relayeurs font leur office, nous pénétrons par une porte monumentale dans le parc, au centre duquel se dresse, sur une haute terrasse de marbre, le superbe mausolée. L'architecte de ce monument s'est évidemment inspiré du Taj, mais il a donné à son œuvre un caractère particulier qui empêchera toujours de le considérer comme une copie. Les pans, très nombreux dans cette contrée, ont adopté comme dortoir les arbres de ce parc. Aussi le Molla, gardien du tombeau, veut-il à toute force m'en faire tirer quelques-uns pour occuper mon fusil. J'aperçois en effet dans le feuillage des manguiers plusieurs de ces magnifiques oiseaux sommeillant encore, mais j'avoue n'avoir pas eu le courage de commettre un pareil sacrilège cynégétique. Je me suis borné à leur jeter une motte de terre et c'est sans regret que je les ai vus s'envoler bruyamment avec une rapidité extrême et s'élancer dans toutes les directions comme une gerbe de comète. Vers 8h30, nous sommes au pied de Kutub Minar. Note: Kutub Minar, tour de géant, hauteur 72 mètres. Fin de note. Cette tour de grès, dont le diamètre mesure à la base 16 mètres et 11 au sommet, se compose de 5 étages dont la hauteur de chacun est proportionnelle à son diamètre. Tandis que le premier étage est polygonal, les 4 autres sont arrondis, mais irrégulièrement cannelés. 5 balcons, ouvragés avec une finesse extrême, ornent ce cierge colossal, tout damasquiné, dont le soleil semble être la flamme. Nous en atteignons la mèche par un escalier de 376 hautes marches. À nos pieds, dans la plaine brûlante, jusqu'à perte de vue, sont épars, au milieu des ronces et des lianes, les restes magnifiques d'une splendeur passée. Tout est débris, vestiges, poussière, souvenirs. Les chacals errent paisiblement sur les dalles où trônaient les empereurs moghols et là où les bégoums se baignaient à l'envi dans les bassins de porphyre et de jade, nous ne trouvons pas un verre d'eau. Seul, au milieu de l'impressionnante désolation, le Koutum reste debout, comme l'immuable gardien de cet ossuaire de ruines. De tous les monuments que nous visitons, en descendant de cette tour, le plus remarquable est un palais hindou dont les conquérants avaient fait une mosquée. Ses hauts et bas-reliefs sont de vrais chefs-d'œuvre, aussi bien que ses piliers indo-assyriens. Le palais d'Aladin n'est plus représenté que par une porte colossale sur laquelle les versets du Coran, incrustés en marbre, forment des arabesques d'une richesse inimaginable. Note. Palais d'Aladin, souverain de Delhi, 1294-1315. Fin de note. À signaler encore le fameux pilier de fer forgé d'un seul bloc, du poids de 13 500 kg et d'une hauteur totale de 15 mètres sur un diamètre de 40 cm, mais enfoncé en terre jusqu'à moitié de sa hauteur. Note. Monsieur Coteau, promenade dans l'Inde et à Ceylan. Fin de note. De retour à Delhi, nous gagnons notre bungalow en passant par le Chandi Chouk, large boulevard à deux rangées de tamaris. C'est la canebière de l'endroit. Pendant que nous furetons dans ces boutiques, un babou nous fait remettre un prospectus superbe. Nous entrons chez lui. Ce babou est un riche marchand d'étoffes d'or. Ai-je besoin d'ajouter que nous nous laissons tenter et convaincre? À 2 heures, nous repartons en quête de nouveaux monuments. Une autre voie douloureuse nous conduit en 3 quarts d'heure au mausolée d'Umayyum. Note. Empereur moghol, 1530-1556. Il eut pour fils et pour successeur Akbar. Fin de note. Cette fois-ci, la terrasse porte-coupole est en grès rose. Dieu, que ces édifices, superbes à voir, deviennent à la longue fastidieux à décrire. Le lecteur a dû s'en apercevoir facilement s'il a eu le courage de me lire ce dont je doute en me mettant à sa place. Les monuments hindous sont peu dissemblables de style et de forme. L'un est un peu plus rose, l'autre est un peu plus blanc. Celui-ci a 2 minarets, celui-là en possède 4. Le nombre des clochetons, des coupoles et des piliers varie à l'infini. Mais la note générale est presque toujours aussi monotone que mes descriptions. Ce sera ma mauvaise excuse. Je sais bien qu'un habitué de la plume saurait mettre en relief quand même les caractéristiques qui ont eu le tort de ne pas me sauter suffisamment aux yeux. Entre un écrivain et moi, il y a de la marge. Note. En veut-on la preuve? Écoutez confidentiellement comment j'ai noté sur mon calepin ce monument funéraire. Une boîte carrée, rouge, fortement tatouée et ouvragée, au-dessus une grosse nonnette glacée et au-dessus de la nonnette un brimborion d'or. Voilà. Fin de note. Je suis un simple galopeur. Je continue donc à chevaucher à travers tout, sans m'arrêter à rien. Cette confession faite, j'en reviens à mon tombeau. Dans une salle centrale repose le moghol Umayyum, et tout autour de lui dorment ses épouses, mais chacune dans une salle particulière. Aux Indes, jamais de promiscuité matrimoniale dans la mort, sauf sous la coupole du Taj. De la haute terrasse à laquelle donnent accès 4 escaliers, la vue s'étend sur une plaine jonchée d'autant de ruines qu'il en existe alentour du Koutum. On se croirait dans la vallée de Josaphat. Nous ne voulons pas rentrer à Delhi sans pousser une pointe jusqu'au monolithe en granit gris de l'Himalaya, apporté par je ne sais qui, l'an 3 de notre ère, d'après notre guide. c'est une colonne haute de 10 mètres, en partie couverte d'inscriptions et d'hiéroglyphes aussi étranges que variés. Un vieux reste de tour en briques, à plusieurs rangs de voûtes, lui sert de piédestal. Nous terminons notre journée par des achats importants chez M. Jacob, le fameux marchand d'antiquités de Simla. Et à 7 heures, nous nous embarquons pour Lahore. Fin du chapitre 9.